Chapitre 40. Les 24 mortelles heures passées par Madame Blanche à mesurer l'étendue de son horrible malheur, le duc de Sermeuse les avait employées à tempêter et à jurer, à faire crouler les plafonds. Lui non plus, il ne s'était pas couché. Après des recherches inutiles aux environs, il était revenu à la grande galerie du château et il arpentait d'un pied furieux. Il tombait de lassitude après un accès de colère qui avait duré une nuit et un jour, quand on lui apporta la lettre de son fils. Elle était brève. Martial ne donnait à son père aucune explication. Il ne mentionnait même pas la rupture qu'il venait de signifier à sa femme. « Je ne puis me rendre à Sermeuse, monsieur le duc, écrivait-il, et cependant, nous voir est de la dernière importance. Vous approuverez, je l'espère, mes déterminations quand je vous aurai exposé les raisons qui les ont dictées. Venez donc à Montaignac, le plus tôt sera le mieux, je vous attends. » S'il n'eût écouté que les suggestions de son impatience, le duc de Sermeuse eût fait atteler à l'instant même et se fût mis en route. Mais pouvait-il, décemment, abandonner ainsi brusquement le marquis de Courtaumieux, qui avait accepté son hospitalité, et Madame Blanche, la femme de son fils, en définitive? S'il eût pu les voir encore, leur parler, les prévenir, il essaya en vain. Madame Blanche s'était enfermée et refusait d'ouvrir. Le marquis s'était mis au lit, avait envoyé chercher son médecin qui l'avait saigné, et il se déclarait à la mort. Le duc de Sermeuse se résigna donc à une nuit encore d'incertitude, vraiment intolérable pour un caractère comme le sien. Attendons, se disait-il, demain, à l'issue du dîner, je saurai bien trouver un prétexte pour m'esquiver quelques heures, sans dire que je vais rejoindre Martial. Il n'eut pas cette peine. Le lendemain, sur les 9 heures du matin, comme il finissait de s'habiller, on vint annoncer que monsieur de Courtaumieux et sa fille l'attendaient au salon. Surpris, il se hâta de descendre. Quand il entra, le marquis de Courtaumieux, qui était assis dans un fauteuil, se dressa tout d'une pièce, s'appuyant sur l'épaule de tante Médie. Et Madame Blanche s'avança d'un pas raide, pâle et défaite, autant que si on lui eût tiré des veines la dernière goutte de sang. « Nous partons, monsieur le duc, dit-elle froidement, et nous venons vous faire nos adieux. » « Comment, vous partez? Vous ne voulez pas... » D'un geste doux, la jeune femme l'interrompit, et tirant de son corsage la lettre de rupture, elle l'attendit à monsieur de Sermeuse en disant « Veuillez prendre connaissance de ceci, monsieur le duc. » D'un seul coup d'œil, il lut, et son saisissement fut tel qu'il ne trouva même pas un jour. « Incompréhensible, balbutia-t-il, inimaginable. » « Inimaginable, en effet, répéta la jeune fille d'un ton triste, mais sans amertume. « Je suis mariée d'hier et me voici abandonnée. » Il eût été généreux de réfléchir la veille et non le lendemain. « Dites pourtant à Martial que je lui pardonne d'avoir brisé ma vie, d'avoir fait de moi la plus misérable des créatures. Je lui pardonne aussi cette insulte suprême de me parler de sa fortune. Je souhaite qu'il soit heureux. Allons, adieu, monsieur le duc. Nous ne nous reverrons plus. Adieu. » Elle prit le bras de son père et ils allaient se retirer. Monsieur de Sermeuse, qui s'était un peu remis, n'eut que le temps de se jeter devant la porte. « Ne partez pas ainsi, s'écria-t-il, je ne le souffrirai pas. Attendez au moins que j'aie vu Martial, il n'est peut-être pas coupable autant que vous le croyez. » « Oh, assez, interrompit le marquis, assez. » Il dégagea de son bras le bras de sa fille et d'une voix affaiblie. « À quoi bon des explications, poursuivit-il. Hélas, il est de ces outrages qui ne se réparent pas. Puisse votre conscience vous pardonner comme je vous pardonne moi-même. Adieu. » Cela fut dit si parfaitement, avec une intonation si juste et un tel accord de gestes, que M. de Sermeuse en fut ébloui. C'est d'un air absolument ahuri qu'il regarda s'éloigner le marquis et sa fille, et ils étaient déjà loin quand il s'écria. « Cafard! Me croit-il sa dupe ?» Dupe? Monsieur de Sermeuse l'était si peu que sa seconde pensée fut celle-ci. Où veut-il en venir avec cette comédie? Il dit qu'il nous pardonne. C'est donc qu'il nous réserve quelques coups de jarnac. Cette conviction l'emplit d'inquiétude. En vérité, il ne se sentait pas de force à lutter de perfidie contre le marquis de Courtornieu. « Mais Martial lui damera le pion, » s'écria-t-il. « Oui, il faut voir Martial !» Si grande était son anxiété et telle était son impatience, que de sa main il aida à atteler la voiture qu'il avait commandée et que, prenant le fouet, il voulut conduire lui-même. Tout en poussant furieusement ses chevaux, il s'efforça de réfléchir, mais les idées les plus contradictoires tourbillonnaient dans sa tête. Il n'y voyait plus clair, et la rapidité de la course fouettant son sang ravivait sa colère. Il entra comme un ouragan dans la chambre de Martial à Montaignac. « J'imagine que vous êtes devenu fou, marquis » s'écria-t-il dès le seuil. « C'est Jarnibieux, la seule excuse valable que vous puissiez présenter. » Mais Martial, qui attendait la visite de son père, avait eu le temps de se préparer. « Jamais, au contraire, je ne me suis senti si sans d'esprit, » répondit-il. « Daignez me permettre une question. Est-ce que vous avez envoyé des soldats au rendez-vous que Maurice d'Escorval m'avait royalement assigné ?»« Marquis !»« Bien. C'est donc encore une infamie du marquis de Courtornieu ?» Le duc ne répondit pas. En dépit de ses travers, de ses défauts et de ses vices, cet homme orgueilleux avait conservé les qualités essentielles de la vieille noblesse française, la fidélité à la parole jurée et une admirable bravoure. Il trouvait tout naturel que Martial se battît avec Maurice. Il jugeait ignoble ce fait d'envoyer des soldats saisir un ennemi loyal et confiant. « C'est la seconde fois, poursuivit Martial, que ce misérable essaye de déshonorer le nom de Sermeuse. Pour qu'on me croie, quand je l'affirmerai, il faut que je rompe avec sa fille. J'ai rompu. Je ne le regrette pas, puisque je ne l'avais vraiment épousée que par condescendance pour vous, par faiblesse, parce qu'il faut se marier et que toutes les femmes, hormis une seule que je ne puis avoir, ne me sont rien. » Mais cela ne rassurait pas le duc de Sermeuse. « C'est fort joli, ce galimatias sentimental, » dit-il. « Vous n'en avez pas moins perdu la fortune politique de notre maison. » Un fin sourire glissa sur les lèvres de Martial. « Je crois au contraire que je la sauve, » dit-il. « Ne nous abusons pas, toute cette affaire du soulèvement de Montaignac est abominable, et vous devez bénir l'occasion qui vous est offerte de dégager votre responsabilité. Avec un peu d'adresse, vous pouvez rejeter tout l'odieux des représailles sur le marquis de Courtornieu et ne garder pour vous que le prestige du service rendu. » Le duc se déridait, il entrevoyait le plan de son fils. « Jarnibieux, marquis » s'écria-t-il. « Savez-vous que c'est une idée, cela ? Savez-vous que, dès maintenant, je crains infiniment moins le Courtornieu ?» Martial était devenu pensif. « Ce n'est pas lui que je crains, » murmura-t-il, « mais sa fille, ma femme. »